Jimmy, viens quoi? Viens quoi? Ah, ça va, tranquille. Tu fais quoi là? Ah, je suis là, je suis posé, t'as vu, j'attends Yankee. T'as une garantie, non? Non, pas, voilà. Mais tu fais quoi posé sur la bécane là? Ah, je te dis, j'attends Yankee, t'as vu 2-3 Yankee même, t'as vu même pas un Yankee bécane. Franchement, elle est charmée en plus la bécane. C'est pas la mienne, je suis posé dessus simplement, t'as vu. J'en ai plein le crâne, toujours assis sur la même bécane. De voir ces schlags en béquille comme des vautours pour de la cam. La misère m'arrive, j'ai plus de tête et bout. Le tunnel est trop long, j'en vois pas encore le bout. Prêt à tout pour faire mes thunes, bâtir ma baraque. Mais sur ma route, les keufs mettent un barrage. Dehors, l'arbitrage c'est cuit, faut que tu innoves. Bientôt, faudra sortir les Kalachnikov. Motivé par la gloire, rien à foutre de tous ces bouffes. Au rien que je te bouffe avec des 16 mesures de ouf. Je prends mon souffle, dans le ghetto on souffre. On veut s'en sortir seul, mais par des prisons s'ouvrent. C'est mort, j'ai décidé de sortir mon CD. J'ai pas trop le choix, y'a que des condamnations sur le CV. Auditeur, attends ta compte ton cerveau. Attends-toi, as tu fait bien servi. Ma team 750. On oublie pas d'où on vient, on y pense toutes les semaines. Nos origines, on a de la smoule jusqu'au smell. Dans nos têtes, tout se mêle, ouais. Rien ne nous convient, on ira loin. Si on sait qui on est, d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient, on y pense toutes les semaines. Ni nos origines, on a de la smoule jusqu'au smell. C'est ça, faut que tu prépares l'arrivée des gars carrés, ouais. T'as tout d'or au 18, j'oublie pas d'où je viens, d'où je suis, baisse barre, depuis c'est plus touche guide. En écriture, même les petits touchent bien. On a le stylo stylé, le style plutôt marrant. Quand on te raconte nos vies, t'as pas envie de te porter garant depuis le début. Fais partie de cette génération en danger, perdu. On a le vécu têtu, il veut pas changer. Et quand je baisse pas les bras, jamais je le laisse tomber. Même si avec le temps, ma rage s'est estompée. Pour convaincre, faut argumenter deux fois plus. Préparé à tout entendre afin d'éviter l'infarctus. Pour m'en sortir ici, je dois redoubler d'efforts. Mais aujourd'hui, je suis. J'aurais dû le faire quand j'étais fort. Il faut avoir du temps à perdre dans ce bas monde, c'est clair. Il faut s'armer d'une patience à double canon. La douche vient B-E-Z-B-A-R. On a eu le temps de réfléchir tellement on avait rien à faire. On n'oublie pas d'où on vient, on y pense toutes les semaines. Ni nos origines, on a de la smoule jusqu'au smell. Dans nos têtes, tout se mêle. Rien ne nous convient, on ira loin. Si on sait qui on est, d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient, on y pense toutes les semaines. Ni nos origines, on a de la smoule jusqu'au smell. C'est ça, faut que tu prépares l'arrivée des gars carrés, ouais. T'as tout le rôle d'ici.